Chapitre 31e. Après cette promesse qui empruntait aux circonstances une étrange solennité, M. de Mussy en sortit et André s'affaissa sur le large divan de l'atelier. Ce courageux artiste, si fort contre l'adversité, succombait dans l'excès de son bonheur. En présence du comte, il avait pu, grâce à des efforts surhumains, maîtriser ses terribles émotions, rester calme quand il était affreusement bouleversé, paraître froid alors qu'il avait comme un brasier dans la tête et dans le cœur. Seul, il s'abandonnait sans vergogne au transport de la passion. « Elle est à moi » s'écriait-il dans son délire. « Sabine est à moi !» Mais cet accès d'enchantement et d'optimisme dura peu. Le mirage s'évanouit faisant place au vif sentiment de la réalité. Oui, Sabine serait à lui, mais quand il aurait su la conquérir, entre elle et lui se dressaient Croisenois et ses associés. Il se sentait de force à se mesurer seul avec eux tous. Mais encore, fallait-il les atteindre et les combattre ? À l'œuvre ! S'écria-t-il en se levant. À l'œuvre ! Mais il s'arrêta, prêtant l'oreille. Il entendait dans son escalier, presque sur son palier, des éclats de rire immodérés. Au-dessus de ce rire, qui était celui d'une femme, une voix d'homme grêle et aigre s'élevait, qui paraissait gronder. André n'eut pas le temps de se demander ce que ce pouvait être. Sa porte fut comme enfoncée, et un tourbillon de soie, de velours et de dentelle fit irruption dans l'atelier. En ce tourbillon, le jeune peintre reconnut, non sans stupeur, la belle Rose Zora de Chantemie. Derrière elle venait le jeune monsieur Gaston, et ce fut lui qui prit la parole. « C'est nous » s'écria-t-il en personne naturelle. « Hein, elle est bonne celle-là, nous attendiez-vous ? Pas du tout, je l'avoue. C'est une surprise de papa, pauvre bonhomme. Parole d'honneur, je veux embellir sa vieillesse, comme dit Léonce. Ce matin, il entre dans ma chambre et me dit « J'ai fait hier toutes les démarches pour qu'une personne que tu adores soit mise en liberté. Cours donc la chercher. Hein, c'est gentil cela. Je cours, Zora joue la fille de l'air et nous voilà. » André n'écoutait que d'une oreille distraite. Il surveillait Zora Rose qui tournait autour de l'atelier en poussant toutes sortes d'exclamations. Elle allait arriver au portrait de Sabine. Elle voudrait écarter le rideau. Il serait difficile de l'en empêcher. « Pardon, » dit-il, « j'ai un tableau à faire sécher. » Et comme le portrait était posé sur un chevalet mobile, il le roula dans sa chambre. « Maintenant, » reprit M. Gandelufis, « il s'agit de célébrer la délivrance et je viens vous chercher pour déjeuner. « Merci de l'intention, mais j'ai à travailler. « Ah, je la trouve bien bonne, mais vous savez, on ne me la fait plus. « Vite, habillez-vous. « Véritablement, je ne puis sortir. » Le jeune M. Gaston réfléchit 10 secondes, puis tout à coup, se frappant le front, « Vous ne voulez pas venir au déjeuner ? » s'écria-t-il. « Eh bien, le déjeuner viendra à vous. « Ah, fameux, je descends le commander. » André s'élança après lui sur le palier, le rappela, cria, mais en vain, et il rentra aussi contrarié que possible. Cette contrariété, Rose la remarqua. « Voilà comment il est, » fit-elle en haussant les épaules. « Et il se croit très drôle, cocodesse, va. » Le ton de la jeune femme trahissait un si profond mépris pour M. Gandelufis que le jeune peintre la regarda d'un air surpris. « Cela vous étonne, » reprit-elle, « ce que je vous dis là. On voit bien que vous ne le connaissez pas. Quelle scie ! Et tous ses amis lui ressemblent. Si vous les écoutiez une heure, vous auriez des nausées. Tenez, rien qu'à me rappeler les soirées passées en leur compagnie, je bâille. » Elle bâilla en effet. « Si encore il m'aimait, » soupira-t-elle. « Lui, mais il vous adore !» répondit André, qui ne pouvait s'empêcher de trouver Rose pleine de bon sens. « Il a failli devenir fou pendant que vous étiez là-bas. » Zora Rose eut un geste que lui enviait Toto Chupin. « Et vous croyez cela ? » s'écria-t-elle. « Gaston, fou d'une femme, il est trop bête. De moi, savez-vous ce qu'il aime ? Les robes qu'il me paye, les diamants qu'il m'achète. Quand les passants me regardent et qu'ils disent « Matin, quel chic !» mon idiot se dresse sur ses ergots et il répète comme s'il avait de la bouillie plein la bouche « Ah mais oui, pour du chic, nous avons du chic !» Si j'avais un peignoir d'indienne, il ne me regarderait pas et cependant, j'en vaux la peine. Le fait est que l'air de Saint-Lazare n'avait point été défavorable à Rose. Son impudente beauté n'avait jamais eu un tel éclat. Elle resplendissait de jeunesse, de vie, de passion, d'insolence. « Cocodesse, » poursuivait-elle, « gandin, petit crevé, mon nom de Rose écorchait sa vilaine bouche, il m'appelle Zora, un nom de chien. Et je ne le camperai pas là, nous verrons bien. Il a de l'argent, mais je me moque de l'argent, moi. Mon petit Paul n'avait pas le sou, lui, et cependant je l'aimais bien. Dieu m'a-t-il fait rire quelquefois. Avec lui, je n'avais pas à manger tous les jours, j'étais bien malheureuse, c'est égal, c'était le bon temps. Pourquoi l'avez-vous abandonné, ce pauvre Paul? Dites-moi, vous, pourquoi il y a du velours à 45 francs le mètre? Je voulais savoir quelle sensation on éprouve quand on se met sur les épaules un cachemire des Indes. Et un beau jour, j'ai filé. Mais qui sait? Paul allait peut-être me quitter. Il y avait quelqu'un qui cherchait à nous séparer. Notre voisin de l'hôtel du Pérou, rue de la Huchette, un vieux singe qu'on appelait le père Tantaine et qui était clerc d'huissier. À ce nom, André, positivement, faillit tomber à la renverse. Tantaine, un vieux, clerc d'huissier, c'était bien le sien. Cependant, si vive que fût son impression, il parvint à la cacher. « Bon, » fit-il d'un ton léger, « quel intérêt pouvait avoir ce bonhomme à vous séparer ?»« Je ne sais, » répondit Rose, devenue sérieuse, « mais à coup sûr il en avait un. On ne donne pas pour rien des billets de banque aux gens, et je lui ai vu donner un billet de 500 francs à Paul. Bien plus, il avait promis de lui faire gagner beaucoup d'argent, par l'entremise d'un de ses amis, un placeur nommé Mascaro. » Cette fois, André ne fut pas pris à l'improviste. Il pressentait qu'il allait être question de l'honorable placeur. Mais son esprit s'épouvantait des proportions que prenait l'intrigue qu'il avait à déjouer. Car il n'en doutait pas, toutes ces manœuvres qu'il découvrait une à une devaient tendre à un but commun. André se souvenait, à cette heure, de cette visite que lui avait fait Paul, un jour, sous prétexte de lui remettre 20 francs, et de l'air singulier qu'il avait. Il se rappelait que Paul s'était vanté de gagner 1 millier de francs par mois, où, et qu'il n'avait pas su dire où ni à quoi. « Paul m'a peut-être oublié, » reprit Rose, « je le crains. Une fois je l'ai rencontré chez Van Kloppen, et il ne m'a rien dit. Il est vrai qu'il était avec ce Mascaro. Mais n'importe, je suis décidé à le chercher et à lui demander pardon, et il me pardonnera. » De tout ceci, une conclusion très nette ressortait. Paul était protégé par l'association, donc il lui était utile, il la servait. Rose était persécutée, donc elle gênait. Voilà ce que pensait André. Et même, ajoutait-il, si Katnack a fait enfermer Rose, c'est que les misérables ont quelque chose à craindre d'elle. S'ils ont essayé de la faire disparaître, c'est que sa seule présence peut déranger leur combinaison. Mais il n'eut pas le temps de poursuivre sa déduction. Le fossé du jeune monsieur Gaston grinçait dans l'escalier. Bientôt il apparut, criant « Place au festin, que la fête commence !» Deux garçons de restaurant, en effet, suivaient M. Gandelufis, chargé de mannes immenses, pleines de provisions. En toute autre circonstance, André eût été furieux de cette invasion de victuailles, de cette perspective d'un déjeuner qui allait durer au moins 2 heures, et mettre tout sens dessus-dessous dans son atelier. Mais en ce moment, il en était à bénir l'inspiration du jeune M. Gaston. Il le trouvait beau, aimable, spirituel, et c'est de la meilleure grâce du monde qu'avec l'aide de Zora Rose, il débarrassait sa grande table pour qu'on y dressât le couvert. Seul, le jeune M. Gaston ne faisait rien, il pérorait. « Ah, mes chers bons, » disait-il, « vite, il faut que je vous en conte une forte. Imaginez-vous que le marquis de Croisenois, Henri, un de mes intimes amis, fonde une société industrielle. » André faillit lâcher une carafe qu'il tenait. « Qui vous l'a dit ? » demanda-t-il vivement. « Parbleu, une grande affiche jaune qui le crie à tous les passants. » Mine de Tifila, société en commandite. Non, j'en ferai une maladie. Capital, 4 millions. Pas dégoûté le marquis. Farceur. Du pain ? La figure du jeune peintre trahissait un si complet ébahissement que M. Gandelufis éclata de rire. Pas vrai qu'elle est drôle ? Reprit-il. On dirait que vous attendez l'omnibus de Chaillot. Voilà justement comment je suis resté devant cette diablesse d'affiche, le bec grand ouvert. Croisenois, directeur d'une compagnie. « Ah, il va me la payer. J'aurais lu dans un journal que vous étiez nommé pape, que je n'aurais pas été plus ébobi. Mine de Tifila, as-tu fini, Tifila ?»« On ne nous la fait plus. Ah, mais non. Les actions sont de 500 francs. C'est pour rien, parole d'honneur. Mais je n'ai pas de monnaie sur moi. Vous passerez après le demi-terme. » Cependant, le déjeuner était servi. Les garçons du restaurant s'étaient retirés. Le jeune monsieur Gaston, de sa voix la plus aigre, criait « À table, à table !» Mais hélas, ce déjeuner qui commençait le plus gaiement du monde devait mal finir. M. Gandelufis, qui n'avait pas la tête bien solide, eut le tort de boire outre mesure. Bientôt les vapeurs du vin se mêlant dans son étroite cervelle aux fumées de la vanité, le peu de bon sens qu'il avait disparut, et il commença à accabler Zora Rose de reproches amers, ne comprenant pas, disait-il, comment un homme tel que lui, sérieux et destiné à jouer un grand rôle dans la société, avait pu se laisser séduire par une femme comme elle. Certes, le jeune M. Gaston possédait un joli répertoire d'invectives. Mais Rose, sur ce chapitre, était encore plus forte que lui. On l'attaquait, elle se défendit, et si vivement que M. Gondelefils, se sentant écrasé, se leva furieux, prit son chapeau et sortit en déclarant qu'il ne reverrait Zora de sa vie, qu'il lui abandonnait de bon cœur tout ce qu'elle tenait de sa générosité, mobilier et toilette, trop heureux s'il pouvait, à ce prix, être débarrassé d'elle à tout jamais. Ce départ ne contraria pas trop André. Restant tête à tête avec la jeune femme, il se flattait d'obtenir d'elle, avec un peu d'adresse, une biographie exacte de ce Paul qu'il comptait maintenant parmi ses adversaires. Vain espoir. Zora Rose, elle aussi, était exaspérée. On l'eût été à moins, et elle ne voulut rien entendre. Elle reprit en toute hâte son grand manteau de velours, noua son chapeau au hasard, et sans même donner un coup d'œil à la glace, elle s'envola, non sans avoir affirmé qu'elle allait se battre en quête de Paul, qu'elle le retrouverait, et qu'elle saurait bien le décider à demander raison à Gaston de ses insultes. Tout cela s'était passé si rapidement que le jeune peintre en était comme ébloui. C'était à croire que la Providence, se déclarant décidément pour lui, n'avait envoyé ses intéressants amoureux que pour lui fournir des renseignements nouveaux, positifs et de la plus haute importance. Et dans le fait, les déclarations de Rose, si incomplètes qu'elles fussent, éclairaient toute une partie de l'intrigue, enveloppée jusqu'alors d'épaisses ténèbres. Les relations de Paul avec le père Tantaine expliquaient la peine que s'était donnée Catnac pour faire enfermer Rose, et par contre, les fausses signatures arrachées à l'inepte confiance du jeune monsieur Gaston. Mais d'un autre côté, que signifiait cette société industrielle lancée par le marquis de Croisenois, en même temps qu'il sollicitait la main de mademoiselle de Mussidan? André pensa qu'il devait, avant tout, s'occuper de ce détail, et sans même songer à échanger sa vareuse rouge contre un paletot, il descendit et courut au coin de la rue des Martyrs, où M. Gondelefils lui avait dit avoir vu l'affiche. Elle était toujours à sa place, éblouissante, tirant l'œil à 20 pas, séduisante assez pour faire tressaillir les écus du plus timide capitaliste. Rien n'y manquait, pas même une vue de Tifila, en Algérie, une superbe vignette qui représentait quantité de travailleurs roulant sur des brouettes le précieux minerai. Tout en haut, le nom de Croisenois resplendissait en lettres d'un demi-pied. Il y avait bien 5 minutes qu'André contemplait ce chef-d'œuvre, quand un éclair de prudence traversa son esprit. « Malheureux, se dit-il, que fais-je ici? Qui sait combien de coquins épient sur ma physionomie la trace de mes sensations et de mes projets ?» À cette pensée, il regarda vivement autour de lui. Mais dans un rayon de plus de 100 pas, il n'aperçut aucune figure suspecte. « N'importe, murmura-t-il, n'importe. Il faut rentrer et chercher et imaginer un expédient pour faire perdre mes traces. Dépister ses surveillants. Le succès était à ce prix. Il ne le comprenait que trop. Comment atteindre et frapper les misérables, si informés de ses moindres démarches? Ils avaient toujours le loisir de se mettre en garde. Aussi, lorsqu'il eut regagné son logis, il ne s'occupa plus que du moyen de glisser entre les mains de ses espions. Bientôt il crut l'avoir découvert. Sous ses fenêtres s'étendait un grand jardin qui dépendait d'une institution dont la façade se trouvait dans la rue de Laval prolongée. Un mur qui n'avait pas 7 pieds de haut séparait seul la cour de sa maison de ce jardin. Pourquoi ne s'évaderait-il pas par là? Je puis, se disait-il, me déguiser de façon à me rendre méconnaissable, et demain, au petit jour, franchir le mur et m'esquiver par la rue de Laval, pendant que mes espions feront le pied de grue rue de la Tour d'Auvergne, devant ma porte. Ai-je besoin de loger ici plutôt qu'ailleurs? Non. Eh bien, tant que durera ma campagne, je demanderai l'hospitalité à Vignol, qui m'aidera au besoin. » Ce Vignol était un ami d'André, un brave et loyal garçon, qui, en son absence, dirigeait les travaux de la maison de M. Gandelu. De cette façon, pensait-il, j'échappe si complètement à Croisenois et à sa bande que je pourrais presque me mêler à leur jeu sans qu'ils me devinent. Il me faudra aussi cesser de voir tous ceux qui ont consenti à m'aider, M. de Breul, M. de Mussidan, ce brave père Gandelu. Mais la poste est là. Pour les cas pressants, j'aurai le télégraphe, et il sera discret, car je vais choisir des termes de convention, et en avisait mes correspondants. Sa résolution était prise. Il écrivit à ces trois personnages qui s'intéressaient à lui une longue lettre où il expliquait son plan. La nuit tombait lorsqu'il eut fini. Il ne pouvait rien entreprendre à cette heure. Il alla dîner dans les environs, puis, ayant mis ses lettres à la poste, il rentra afin de préparer son travestissement, de le répéter pour ainsi dire. Après s'être demandé quelle situation sociale serait le plus favorable à ses desseins, il avait décidé qu'il tâcherait de se donner l'apparence de ces malfaiteurs gredins qu'on rencontre le jour dans les estaminets borgnes de l'ancienne banlieue, autour des billards crasseux, et le soir à la porte des théâtres et des bals publics. Le costume, il l'avait sous la main, parmi ses vieilles hardes de travail. Une blouse bleue, un vieux pantalon à larges carreaux, de mauvaises chaussures et une casquette au rebut depuis des années faisaient l'affaire. Restait à changer le visage, et c'est à cette tâche que André s'appliqua. Il commença par couper sa barbe, très peu forte, mais qu'il portait entière, puis il taillait ses cheveux sur le devant, de façon à ménager deux mèches qu'il lissa et colla sur ses tempes avec force cosmétique. Cela fait, il chercha quelques pains de couleur pour l'aquarelle, et armé d'un pinceau, il commença son œuvre de maquillage, œuvre bien plus difficile qu'on ne croit. Se barbouiller n'est rien. Il faut, pour se déguiser, modifier le mouvement général de la physionomie. On arrive à ce résultat qu'en altérant la bouche et les yeux, sièges principaux de l'expression. André, quoique peintre, ignorait cela. Aussi n'est-ce qu'après de longs tâtonnements qu'il obtint un résultat passable. Il s'habilla alors, il tortilla autour de son cou une vieille cravate et sut placer sa casquette selon le genre, de côté, la coiffe aplatie en arrière, la visière cachant l'œil droit. Quand, ainsi équipé, il se regarda dans la glace, il se jugea hideux. En artiste consciencieux, cependant, il cherchait les défauts de son œuvre pour les corriger lorsqu'on frappa à sa porte. Il était 9 heures, il n'attendait personne. Les garçons du restaurant étaient venus rechercher leur vaisselle. Quel visiteur lui arrivait donc? Ce ne pouvait être que sa concierge, et il était bien décidé à ne pas se laisser voir par elle, n'ayant en la discrétion de Madame Poilveux qu'une confiance très limitée. « Qui est là ? » demanda-t-il. « Moi, » répondit une voix plaintive. « Moi, Gaston. » Fallait-il se défier de ce garçon ? Le jeune peintre jugea que non. Il alla ouvrir. Oui, c'était bien Monsieur Gandelufis, mais en quel état ? Pâle, chancelant, la figure absolument décomposée. Il se laissa tomber plutôt qu'il ne s'assit sur un fauteuil. « Est-ce que Monsieur André est sorti ? » balbutia-t-il. « Je croyais avoir entendu sa voix. » Ainsi, il était dupe du travestissement. Ce triomphe ravit André et lui apprit en même temps qu'il devait surveiller sa voix, comme tout le reste. « Quoi ? Vous ne me reconnaissez pas ? Regardez-moi donc !» Il fallut encore au jeune Monsieur Gaston 10 minutes d'examen. « Ah, c'est vous ? » murmura-t-il enfin, avec un triste sourire. « Elle est mauvaise, c'est-à-dire non, elle est bien bonne. Mais je ne sais plus ce que je dis. » Il était clair qu'une catastrophe avait dû fondre sur Monsieur Gandelufis. Ce ne pouvait être sa griserie du matin qui le réduisait à cet excès de prostration. « Mais vous-même, » demanda André, « qu'avez-vous ? Qu'y a-t-il ? » « Il y a, mon cher bon, que je viens vous faire mes adieux. En sortant de chez vous, j'irai me brûler la cervelle n'importe où. Êtes-vous fou ? » Le jeune M. Gaston se frappa le front d'un air funèbre. « Pas à la moindre fêlure, » répondit-il. « Seulement l'échéance des phobies est arrivée. Chanter ou mourir ? Je ne veux pas chanter. Ce soir, comme je sortais de table, ayant dîné avec papa, le valet de chambre vint me dire à l'oreille qu'un vieux monsieur m'attend dans la rue. J'y cours, et je trouve un espèce de mendiant en redingote crasseuse, sale, repoussant, ignoble. « Le père Tantaine !» s'écria André. « Ah, je ne sais pas son nom. Il m'a déclaré d'un ton doucereux que le porteur de mes billets est décidé à les adresser au procureur impérial, demain, avant midi, mais qu'il me reste cependant un moyen de salut. » Et ce moyen est de partir avec Rose pour l'Italie. » La surprise de M. Gandelu fut si forte qu'il se redressa d'un bond. « Qui vous l'a dit ? » s'écria-t-il. « Personne, je devine. C'est afin de pouvoir, à un moment donné, vous imposer ce départ précipité que vous a fait imiter la signature de M. Martin Régal. Qu'avez-vous répondu ? Que je la trouvais mauvaise et que je ne partirais pas. C'est niais, absurde, idiot, je le sais, mais je suis comme cela, coulé d'un bloc, en acier. » D'ailleurs, je vois le plan. Le lendemain de ma fuite, on irait trouver papa pour l'engager à chanter et il chanterait. Ah, mais non, pauvre bonhomme. Mieux vaudrait lui donner un coup de couteau dans le dos que de lui dire que son fils est un faussaire. C'est pourquoi je suis allé acheter le coquet petit revolver que voici, et dans une heure, tout sera fini. » André n'écoutait plus. Il arpentait d'un pas fiévreux son atelier. Évidemment, il tenait entre ses mains la vie de ce malheureux garçon. Quel parti prendre ? Lui conseiller de partir, c'était éloigner Rose, se priver d'une chance considérable de succès. Le laisser faire, il ne le pouvait pas. Il ne pouvait oublier ce que le père de Gaston avait fait pour lui. « Écoutez-moi, Gaston, » dit-il enfin, « j'ai une idée de salut, et je vous la soumettrai quand nous serons hors d'ici. Seulement, pour des raisons qu'il serait trop long de vous expliquer, il faut que je gagne la rue, sans passer par la porte de ma maison. Je le peux si vous voulez m'aider. Vous allez sortir, et à minuit précis, vous irez sonner rue de la Balle prolongée à la porte de la maison qui porte le numéro X. On vous ouvrira, et vous demanderez au concierge un renseignement quelconque. Vous aurez soin de laisser la porte entrebâillée, et comme je serai dans le jardin de cette maison, guettant l'instant favorable, je m'esquiverai. » Le second de l'Uffice eut du moins le mérite de se conformer exactement aux instructions qui lui étaient données. Le plan réussit, et à minuit 10 minutes, André lui gagnait le boulevard extérieur. Le jeune peintre était alors plein d'espoir. D'abord, il était persuadé qu'il venait de dépister ses espions, puis il entrevoyait, grâce à Gaston, le moyen de se ménager une diversion puissante, pendant qu'il s'acharnerait après Croisenois et ses honorables associés.